L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Première édition du festival Musicopholis, samedi 9 juin à Tantonville. Alexandre Galland, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du foyer rural de Tantonville. Alors, quel a été le point de départ de ce projet ? Alors, d'habitude, au mois de juin, on a la fête des brasseurs et de la gastronomie locale tous les deux ans. Et on a voulu intercaler une manifestation culturelle entre cette fête des brasseurs. Donc, c'est déjà un rendez-vous qu'on espère pouvoir retrouver tous les deux ans également, alors en alternance. On va voir comment ça va marcher cette année, mais pourquoi pas, oui. Alors, la programmation cette année est teintée plutôt rock dans l'esprit ? Alors, on a trois groupes de Meurthe-et-Moselle, donc Jasp, Rock'n'Box et Icebeam, qui sont effectivement plutôt rock. Et ensuite, on a fait venir les Commandos Percus, donc c'est un groupe de Toulouse qui sillonne les festivals du monde entier. Et du coup, pour eux, c'est une première en milieu rural. Donc on est fiers de les avoir à Tantonville cette année. Alors comment justement se crée une programmation comme celle-ci ? Et comment vous avez convaincu un groupe de Toulouse de venir justement en milieu rural, comme vous venez de le dire ? Alors le groupe de Toulouse, on est plusieurs du foyer rural à l'avoir vu sur Nancy. Et on a eu envie de le faire venir à Tantonville pour le faire découvrir donc aux habitants du Saint-Ouen, mais plus généralement aux habitants de Meurthe-et-Moselle. Donc on a pris contact avec eux donc l'année dernière et on a réussi donc à obtenir toutes les autorisations parce que c'est un spectacle donc pyrotechnique. Donc avec la mairie, etc., qui nous a soutenus. Et ça a permis donc de les faire venir cette année à Tantonville. Les Commandos Percus, à découvrir donc le samedi 9 juin à Tantonville, en compagnie bien sûr d'autres groupes, là, plus locales. Vous pouvez nous en dire deux, trois mots sur chacun ? Alors, on va commencer à 17h30 avec Jasp. Donc c'est un groupe qui interprète quelques compositions et des reprises de variétés pop et rock en version acoustique ou électrique. Donc la chanteuse de ce groupe est tantonvilloise, donc elle habite Tantonville. Ensuite à 19h15 on a Rock'n'Box, donc c'est un groupe qui est né en 2008 avec trois musiciens sur scène et qui reprend donc tout ce qui est rock des années 70 à aujourd'hui, donc style Téléphone, Green Day, etc. Et ensuite à 21h on a Icebeam, donc c'est un groupe de reprise rock des années 70. Et qui reprend entre autres AC/DC, Eric Clapton, Police, Rolling Stone, etc. Le festival commencera à partir de 17h30. Qu'est-ce qui va se vivre d'autre sur la place des fêtes ? Donc on aura aussi l'école de danse du foyer rural de Tantonville, donc qui va interpréter quelques danses. Donc l'école de danse regroupe plus de 150 danseurs. Et on a eu donc une élève qui est actuellement en tournée sur Dirty Dancing. Donc celle qui interprète le rôle principal. Et ensuite, on aura aussi l'école de musique du Saint-Ouen qui sera présent avec 15 trompettistes et qui interprétera quelques répertoires. Un festival comme celui-ci, vous vous appuyez sur de nombreux bénévoles, j'imagine ? Oui, c'est ça. Donc on a les bénévoles qu'on retrouve dans toutes les manifestations du foyer rural. Mais on est aidé aussi par des bénévoles de la mairie et des bénévoles qui viennent nous aider spontanément sur ce type de manifestation. Donc on est environ une soixantaine. Et on a aussi les jeunes du conseil municipal, les jeunes de Tantonville, qui viennent nous aider. Très bien, donc un investissement de toute la commune. C'est ça. Donc c'est le samedi 9 juin à Tantonville, le festival Musicopholis. Ce sera donc la première édition. Un tarif d'entrée ? C'est 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Et bien sûr, on peut trouver sur place de quoi se restaurer, j'imagine ? C'est ça, restauration rapide et buvette. Si on veut retrouver le programme ou en savoir plus ? Alors, vous pouvez consulter notre page Facebook, donc c'est Foyer Rural Tantonville. Alexandre Galland, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.